Combien de pattes? Les coléoptères sont des insectes. Voici un coléoptère. Il a 6 pattes. Les araignées ne sont pas des insectes. Voici une araignée. Elle a 8 pattes. Les mouches sont des insectes. Voici une mouche. Elle a 6 pattes. Les serpents ne sont pas des insectes. Voici un serpent. Il n'a pas de pattes. Les fourmis sont des insectes. Voici une fourmi. Elle a 6 pattes. Les chiens ne sont pas des insectes. Voici un chien. Il a 4 pattes. Les centipèdes ne sont pas des insectes. Voici un centipède. Il a beaucoup de pattes.